Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à bord du submersible Étienne plus A. Veuillez attacher vos ceintures, nous allons bientôt immerger. Merci.